Le rouge à lèvres est mis, les ongles sont faits, le rimmel est mis. Et tout cela très noir, c'est cargo culte. Ah oui, le rimmel est mis. Cargocul, c'est looké aujourd'hui. C'est cold wave, c'est gothique, c'est post-punk, c'est... Mais en tout cas, ça se voit. Susie and the Banshees, voilà, je l'avais promis. On peut pas faire plus égérie de toute forme de pop musique mélangée que Susie, finalement, quelque part. Et je suis vachement content de présenter peut-être le disque le plus pop d'ailleurs de Susie. On peut toujours chercher chez un artiste son côté très underground, mais des fois, dans l'absolu, overground, c'est vachement bien aussi. Et ce disque le plus pop, c'est probablement effectivement le troisième album du groupe Susie and the Banshees, qui paraît en 1980, Kaleidoscope. C'est donc le disque qu'on va ausculter aujourd'hui. Et vous allez voir, Kaleidoscope recèle en fait pas mal un double entendre assez constant. Et à mon avis, ça en fait un disque probablement même plus culte qu'on ne voudrait le dire. C'est un album de transition, c'est évident, entre finalement la prêtresse punk d'un jour et la diva gothique du lendemain. Mais chez Susie, c'est pas si clair que ça. Elle joue des codes à satiété, elle en joue, elle les invente, hein, qui plus est. Et finalement, avant même l'officialisation de la culture gothique, des nuits enfiévrées du club Bad Cave, c'est un peu l'accéné, c'était au cœur de Soho, à Londres, Susie se posait là. Et continuera à le faire d'ailleurs plutôt durablement. Ce troisième album, il va révéler, j'évoquerai du coup un peu les autres, quoi, évidemment. Ce troisième album, Kaleidoscope, je pense qu'il va révéler un vrai talent de songwriting. Songwriting serait pas mal aussi. Et peut-être quasiment un soupçonné par avant. Je le disais, il faut insister là-dessus, il y a chez Siouxsie, elle est née Suzanne, sans doute un petit peu. Et le premier concert d'ailleurs de Siouxsie and the Banshees, ce sera Susie et les Banshees. Je pense que j'y reviendrai tout à l'heure parce que l'anecdote est assez rigolote. Mais de fait, ça va très vite être une personnalité incarnée qui sera partout où il faut être, à Londres, dans les bons plans, dans les bons clubs, les bons concerts, et ce, avant même d'enregistrer quoi que ce soit ou même avant même de monter sur scène. Elle est présente même avant le punk. Elle va rencontrer son partenaire avec qui ils vont faire vraiment le groupe durablement à un concert de Roxy Music. Mais dans la foulée, on verra ces gens-là aussi dans les premiers concerts de Forbidden Whistle, dans leur atelier. Elle est l'incarnation, hein, si vous voulez, de presque d'une club babe qui est au milieu d'un long tout à fait bouillonnant. Le lien avec ce qu'on pourrait appeler une club babe est d'ailleurs pas anodin, parce que c'est la grande sœur de Susie qui va un petit peu l'introduire dans la nuit londonienne, quoi. Les choses seront faites, j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Susie était star avant même d'être star, ce qui fait qu'au premier disque, premier single, c'est un carton. Le fameux Hong Kong Garden, quoi. C'est vraiment un carton, et un carton durable, un morceau complètement éternel, un morceau complètement flamboyant du punk, mais qui est déjà pas du punk, et c'est pour ça qu'il est pas mal, quoi. Notamment avec ce petit carillon un petit peu venu d'Orient, qui signe un petit peu le gimmick du disque. C'est un peu étrange, quoi. Et va s'enchaîner avec ça un album, puis un deuxième album. Les deux premiers albums de Susie sont particulièrement intenses, et peut-être assez dark, difficiles, et je pense au deuxième. Vous savez, j'ai failli parler du deuxième aujourd'hui. J'hésitais entre Join Hands, qui est donc le deuxième LP, et Kaleidoscope, le troisième. Tout oppose ces deux disques. C'est incroyable, tout oppose ces deux disques. Et c'est parce que le deuxième est un disque de crise, que le troisième se devait d'être totalement différent. Dans la vie d'un groupe, dans la vie d'un artiste, le troisième album, c'est décisif. On ne peut pas se permettre de répéter le premier une deuxième fois. Donc c'est là qu'on s'affirme ou c'est là qu'on prend un virage. C'est clairement un virage du côté de Succi, clairement plus pop, clairement plus commercial, mais étrangement aussi, peut-être plus maladif et plus cérébral. Alors j'ai expliqué pourquoi. Il y a un impact évident sur la scène gothique émergente, ça c'est évident, mais le précédent album, Raté, Join Hands, alors raté, je mets plusieurs guillemets autour du mot. Raté pourquoi ? Il ne touche pas vraiment son public, en tout cas il le touche peut-être pas comme, comme il eût fallu. Et pourtant c'est déjà un grimoire gothique à lui tout seul, cet album, John Hands. Non seulement c'est ça, mais c'est même un avant-goût prémonitoire plutôt inattendu de la noisy pop à suivre. C'est notamment un album que Kevin Shin va mentionner très très fort dans ses influences. Or à ce moment-là, le groupe est c'est un groupe à guitare en fait. John McKay, qui est le guitariste très très flamboyant des deux premiers albums, va totalement dégager pour le troisième. Alors pourquoi il va dégager ? Alors c'est toute la session rythmique d'ailleurs qui va dégager, c'est Kenny Morris aux drums et John McKay, qui à mon avis est un guitariste beaucoup plus important qu'on ne croit, qui vont dégager au lendemain du deuxième album, mais de leur propre fait. Ils vont quitter le groupe en pleine tournée, ça se passe super mal, et sous pression du producteur qui veut polariser toute l'attention, effectivement, sur le couple Suzy et Séverine. Alors Séverine, bah oui, c'est le partenaire, c'est le fondateur, et le bassiste du groupe. Et il y a une tension extrême qui explose, et ça se passe super mal. Au point où Suzy on a voulu à John McKay pendant plus de 10 ans, elle jurait sa perte. Et de fait, elle y est parvenue, parce que McKay, en fait, il n'a pas été au-delà de ça. Du coup, il est devenu totalement culte chez quelques guitaristes extrêmement éclairés, alors Kevin Shield en tête, Keith Levine aussi, même The Edge de U2, parce qu'un jeu qui était finalement relativement empreint de celui de McKay, notamment dans l'utilisation des délais et du flanger. Mais ça, la reine-mère, parce que c'est une reine, hein, c'est la diva Suzy, ça pouvait pas passer. Alors du coup, tabula rasa pour un troisième album, et qui s'enchaîne très vite, hein, parce qu'alors il y a un degré de production, de productivité, d'albums, de singles et de tournées chez Suzy qui laisse un peu sans voix. Et 1980, on est pile poil aux années où ça bouillonne et où ça va, il va y avoir un énorme bouillonnement pendant 2-3 ans avec une créativité quasiment insensée. À la fois overground, à la fois underground. Donc j'y viens, à cet album Kaleidoscope. Totalement remanié donc. Le duo fondateur reste là, évidemment. Je rappelle l'importance de Stephen Severin, hein, ou Stephen Severin. J'ai envie de le prononcer à la française, moi, Stephen Severin, parce que c'est un pseudo. C'est un pseudo, mais qui doit son emprunt au fameux Vénus en fourrure de Sader Mazoch. Ben voilà, le livre sadomasochiste par excellence. Le livre aussi qui va inspirer le Venus in Fur du Velvet Underground. Et quand Stephen Severin emprunte justement son nom Severin au protagoniste du bouquin, je pense qu'il pense finalement peut-être davantage au caractère évoqué dans la chanson Venus in Fur du Velvet Underground. Alors, autour de ça, deux nouveaux musiciens. Budgie, ouais, c'est un nom, un prénom à la fois, c'est quasiment un trademark. Budgie, un batteur absolument essentiel, qui va rester durablement avec le groupe, et qui va devenir plus tard l'époux d'ailleurs de Suzy. Budgie, il vient des Slits. Et alors c'est marrant parce que Slits s'est présenté comme le groupe, le combo punk féminin par excellence. Et ce qui était le cas, il y avait trois nanas totalement délurées, dévergondées, en pleine puissance. Mais il y en avait un quatrième, il y avait un gars, et du coup, on ne le voyait pas, on n'en parlait pas. Quoi. Et puis, ma foi, Budgie jouait de ça très, très, très bien. Donc oui, il y avait quand même un batteur, et qui plus est très très bon, qui avait largement participé à structurer le groupe, hein, d'ailleurs. Les Slits sont devenus finalement beaucoup plus au point avec Budgie qu'auparavant. Et finalement, ce sera relativement la même chose quand Budgie va intégrer Siouxsie and the Banshees, donc le groupe. À cela, il faut ajouter un nouveau guitariste, parce qu'on venait de virer avec Perte et Fracas le précédent, et franchement, il était plutôt bon, mais c'est vrai que c'est celui qui va venir qui sera le meilleur, en tout cas qui va faire le son peut-être définitif de Siouxsie and the Banshees, c'est John McKeogh. John McKeogh, il est écossais, son nom dit plutôt bien, et c'est un Écossais qui a fait ses premières armes dans un groupe essentiel. C'est le groupe Magazine. Magazine, le groupe de Wars Devoto, donc qui suit finalement l'immédiate explosion des Buzzcocks et qui va incarner une des New Wave les plus affinées, les plus intelligentes sorties dans le Royaume-Uni à ce moment-là. Quoi. Et John McKeogh y est évidemment pour quelque chose. Et John McKeogh va d'ailleurs être un invité sur le premier album de Visage, Steve Strange, We Fade to Grey. Et ça, c'est presque inattendu, parce qu'on voit dans Visage quelque chose de relativement maniéré, très porteur des codes new romantiques qui explosent là, en 80. Et John McKeogh, c'est quelqu'un d'a priori un peu plus ténébreux. C'est bien comme ça que les a priori, justement, et les clichés qu'on peut donner par rapport à des genres et à des gens qui les portent soient finalement relativement troublés, spécialement dans un programme comme celui d'aujourd'hui sur Cargo Cult. Donc j'y reviens. Quand Steve Strange, d'ailleurs, va accompagner John McKeogh à l'audition pour succéder des Banshees, attention, c'est un groupe qui marche très fort. Il y a un groupe qui a déjà placé des tubes essentiels dans les charts. John McKeogh, qui va presque à reculons, et c'est Steve Strange qui lui dit « Non, vas-y, c'est pour toi. Mais habille-toi en noir. » Ben oui, il avait raison. S'il était venu avec une chemise hawaïenne, à mon avis, chez Siouxsie, ça ne serait pas bien passé du tout. Ou alors, au contraire, ça serait peut-être plus un deuxième degré extrêmement éclaté. Donc voilà. Voilà un troisième album qui est déjà prêt, réuni autour d'un combo de quatre personnes qui vont être solidement ancrées ensemble pendant 2-3 ans et livrés comme ça en 2 ans 3 albums. Et on pourrait dire qu'ils sont presque impeccables. L'intérêt, et ça il faut quand même en parler, c'est qu'il va y avoir des instruments justement qu'on ne voit pas d'habitude. Et en 80, pas tant que ça. Des primo synthétiseurs, des boîtes à rythme. C'est pas ce qui signe le son punk, ça on le sait bien, et c'est pas ce qui va signer le son dit gothique, a fortiori avec des guitares en avant, souvent caverneuses, de l'écho, des flangeurs, bref, des effets. On sent bien le truc. Et puis elle n'est pas toute seule, la Suzy. Elle porte presque le truc, elle est toute seule, mais il y en a d'autres. Bon, c'est l'eau aux portes, là. Et tout d'un coup, il y a ces espèces d'aspérités technologiques et synthétiques qui vont faire de Kaleidoscope, franchement, un disque plus étrange qu'il n'y paraît. Parce que oui, je reviens sur cette dystopie entre un des albums les plus connus du groupe, si ce n'est le plus connu. C'est là-dessus qu'on trouve notamment les singles Happy House, qui va être charté, qui met mieux, et l'excellent Christine aussi. Donc non seulement deux singles super pop, mais deux singles de super qualité. Mais autour de ce disque-là, disque qui porte ô combien bien son nom, Kaleidoscope, vont s'intervertir, se caler des morceaux tous extrêmement bigarrés, au point où il n'y a pas un morceau qui ressemble à l'autre. Et c'était la volonté de Siouxsie de faire quelque chose comme ça. Et je répète, cette volonté de casser totalement, justement, l'unité un peu froide de l'album précédent, John House. John Hans pouvait même comporter un titre fleuve de 14 minutes qui campait presque l'intégralité de la deuxième phase. Ici, pas du tout. On est sur des titres de 3 minutes, on est sur un format comme ça, quelque part beaucoup plus rigoureux et en apparence beaucoup plus restrictif, mais qui va justement pas interdire certaines libertés à Siouxsie et à ses membres. Kaleidoscope, c'est un disque de chaud-froid permanent, vous allez le voir. Happy House, c'est un exemple parfait. Happy House, c'est le single qui ouvre l'album. Et malgré son aspect totalement pop blanche, plutôt entraînant un tantinet cold, écoutez la basse formidable au demeurant, c'est une basse disco. C'est une basse entièrement disco. Or, avoir réuni ce chaud-froid comme ça dans un tube extrêmement pop en 1980, c'est absolument remarquable. D'où ce songwriting fabuleux dont je parlais tout à l'heure. Et il va y avoir autour de ça des choses plutôt amusantes avec des titres. Je reprends, alors là, je vais prendre le deuxième tube. Christine, Strawberry Girl, Christine, Banana Split Lady. Alors derrière ces morceaux, un tantinet guiret, en fait, ce que se cache, un sens largement plus sombre qu'on peut le penser. Certes, les chansons de Kaleidoscope partent dans tous les sens, d'où le titre de l'album. Mais à bien des égards, les paroles, elles, sont extrêmement unifiées sur un plan thématique beaucoup plus cold et beaucoup plus sombre que ça. Ces paroles, elles tournent tous autour de l'asylum, donc de l'asile. Et vous y trompez pas, Happy House, c'est bien d'un asile d'aliénés dont il s'agit. Et tout l'album s'articule autour, et en cela, ça en fait un concept album, ils n'ont pas peur de le dire, autour d'une auscultation des troubles de la personnalité divers, et spécialement la schizophrénie. Je m'explique. We come to scream in the happy house. We're a dream in the happy house. Ça, c'est un refrain, tout le monde le chantait à l'époque. Nous sommes venus crier dans la maison du bonheur. Nous sommes dans un rêve dans la maison du bonheur. Cette maison du bonheur, évidemment, c'est l'asile. Quant à Christine, le deuxième tube évident qui sort de cet album et qui, lui, va ouvrir avec bon goût d'à-propos la deuxième face. On raisonne en face A et en face B à l'époque, vous en doutez bien. Ben Christine s'est inspirée d'une schizophrène célèbre qui est Christine Costner Sizemore. C'est un cas d'école qui a été raconté dans un livre qui s'appelle Les trois visages d'Ève. Et ce livre, en fait, est devenu un film qui a notamment été oscarisé à Hollywood pour la performance de son actrice. Donc, voilà. Et revenons aux fameuses paroles. Christine, Strawberry Girl et Christine, Banana Split Lady. Et c'est bien d'un trouble de la personnalité dont on parle là, c'est bien d'une schizophrénie. Alors avec tout ça en tête, écoutez le si popisant et souvent dansant et particulièrement chantant Kaleidoscope, ça ouvre finalement des horizons qui n'étaient peut-être pas soupçonnés à l'époque. Surtout que c'était dommage, il n'y avait pas les paroles incluses dans l'album à l'époque. Elles le seront dans la réédition, justement, avec là, pour, sur ce coup-là, un petit peu d'à-propos. Bon, bienvenue dans ce cargo culte du bonheur et cette happy house, et puis ce kaléidoscope de Suxy and the Banshees. On se retrouve juste après, dans à peu près 40 minutes.

engulfing joints, engulfing land. Tidal fingers cling to rocks, a deadly grip, a deadly lock. Sinking down, the world is round. Sinking down, there's no one around. Standing on the moving ground. Sinking down, the world is flat. There's no one here to question that. Like rinsing another shot to slot. other fat women. I have a noble cause for skin. There's just too many of them. The only necessary coal. Curse the brain inside its skull. Just a bitch in the manger to the balances of nature. Cover me with skin. And accuse me of sin. But you know what I mean. There's just too many of them. Give me skin. But don't sing it. Give me skin. But don't sing it. Susie and the Banshees, emmenée par la belle, la merveilleuse Susie Sue. Ah oui, pas belle. Oui, parce qu'en plus, non seulement c'était une égérie, non seulement c'était une femme qui pouvait conduire un groupe, puis pas mal, sur pas mal d'années, il y en a un paquet de quand même de Susie and the Banshees. 11 en fait au total, 30 singles, 11 albums, colossal. Et ça, celui-là, c'est le troisième. Mais en plus, belle, belle. Voilà. Tout le monde voulait ressembler à Susie. Même les mecs, hein. Robert Smith, il a volé la trousse de maquillage de... Et ça, c'est vrai ce que je vous raconte. Hein. Donc, Robert Smith, guitariste, chanteur, et puis frontman des Cure, avait chouré le rouge à lèvres et une perruque à succès pour s'essayer au maquillage. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Succès, qui avait encore plus d'humour que lui, lui a dit, écoute, la prochaine fois, fais-le devant une glace.